des choses qui se passent dans un groupe parlementaire pouvait opérer à des modifications. Soit il y a des membres entrants, les nouveaux entrants, ou bien les sortants, les nouveaux sortants, ou bien vous pouvez changer la direction du groupe parlementaire pour de multiples raisons. Notamment, la direction du groupe parlementaire peut être empêchée d'une façon ou d'une autre, par exemple par l'absence prolongée, ou si vous voulez, par le décès, pourquoi pas. Mais ce règlement d'ordre intérieur que vous évoquez précise bel et bien que les modifications sont faites en cas de démission faite par un député, en cas d'une adhésion ou apparentement. N'est-ce pas que votre cas risque de ne pas être conforme à ce que prévoit le règlement? Lisez ce qu'on appelle les modifications. Les modifications disent tout. On peut avoir des modifications sur le nombre de la composition du groupe parlementaire. On peut aussi modifier la direction du groupe parlementaire parce que vous trouvez que vous voulez évoluer. Mais sur ces cas précis prévus par le règlement, où se trouve le cas de ces 18 députés? Et vous savez ce qui s'est passé, les 18 députés, je pourrais qualifier ça d'une certaine absence. Parce que, je vous disais, l'historique de son changement a été la réunion du 30 avril, invité par le nouveau président du parti. Ne trouvez-vous pas que vous avez fait une certaine interprétation qui n'est pas prévue par ce règlement? Non, monsieur, on n'est pas dupe et on est tellement outillé pour pouvoir interpréter le règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur qui régit l'Assemblée nationale émane même des députés. Nous le savons vraiment peu suffisamment pour ne pas commettre une telle interprétation erronée. Vous avez également évoqué un petit bouquet que vous avez mis en place au sein du parti qui régit le groupe parlementaire parallèlement à ce règlement d'ordre intérieur. Pourquoi cela prime sur le règlement d'ordre intérieur? Non, ça ne prime pas. Tout simplement, c'est un petit bouquet que nous avons élaboré entre nous qui va nous aider d'organiser les activités, de réglementer la discipline. Entre autres, les absences pendant les réunions, le comportement pendant les réunions. Et comme ça émane du parti, c'est bien signé, même le président du parti avait signé, connaît son règlement, ça tient comme une loi en interne. Et si aujourd'hui ces 18 députés décrivent la violation de la loi? Décrire la violation de la loi, c'est une chose. Décrire ce qui est vrai, c'est une autre chose. Et que devient alors ce groupe qui était constitué antérieurement? Selon moi, le groupe n'est pas abandonné. Nous avons créé un groupe parlementaire de 13 députés ouverts. Nous les invitons de se faire inscrire au groupe parlementaire CNR. Ils sont les bienvenus parce que jusqu'à présent, ils sont les membres du parti CNR. Vous les appelez à regagner votre groupe, mais le règlement d'ordre intérieur indique qu'aucun député ne peut être tenu de s'affilier à un groupe. Quand vous lisez l'article 52, vous lisez l'article 50, vous lisez l'article 46 du règlement de l'Assemblée nationale, vous trouverez que cette liberté du député de pouvoir ne pas s'affilier dans un groupe parlementaire n'est pas applicable pour un député ici dans le parti politique. C'est vraiment applicable pour les députés indépendants. Mais ils ne sont nulle part tenus de s'affilier à un groupe. Non, je vous ai dit, comme ils sont issus des partis politiques, ils doivent défendre les couleurs de son parti politique. Personne ne nous empêche de dire tout ce qu'il veut au nom du parti CNR, pourvu qu'il reste dans la ligne directe tracée par le parti CNR. Honorable Léopold Hakizimana, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimana.